6. Comment une sorcière éteint sa bougie? Comment une sorcière éteint sa lumière? Dasein. Levant le jour, il s'adresse au soleil des prières traditionnelles, comme s'il les suppliait de paraître. Gérard Walter, la communauté essénienne. Ein Dasein. Alfred Mombert. La clé obscure du puissant du marronas. Dieu qui ferme. Messieurs, avec sa forte clé, je m'agite en vain et je danse comme une déchirure des films que le vent fait bouger. Vous allez me trouver dans la sinistre humidité d'un cube aux ordures. Là où repose encore les secrets de la vie abject, aveugle, rêvant, il fait des rêves comme la mer dans les purs, dans l'intransigeant éthique parfait, inatteignable idéal de la mort. C'est là que se trouve, messieurs, et que j'ai vous. J'habite là-bas, dans un rêve. Une tombe sans fil à une autre. D'un interrupteur exact de la lumière du monde, là-bas où il n'y a rien, où il n'y a lieu pour paraître, j'habite. Ignoré de vous, secret pire qu'un suicide, pire que le désespoir. Que tout ce qui remise est encore appel à la vie depuis le fond. Depuis parfait, je rêve autour de ça. Est-ce que le monde meurt comme la mer, comme les démons? Et là, je ris du Golgothe, des douleurs et la joie de son mélange à monde. Il a rêvé ceci, Dionysos, le malheureux, le martyr. À l'instant absolu de l'abolition à jamais, down. Nevermore, disent les singes. Nevermore, chante Dieu là-haut. Plus jamais, je vais rêver que j'existe, ni je vais donner aux signes un sens pour leur mouvance. Plus jamais, a dit lui, parce que Dieu est pour soi-même un cauchemar qui essaye tout ce qu'il peut, univers après univers, de se détacher dans coup de hache, l'épine de la vie, le crucifix, et il essaye d'avaler la vodka de l'atelier.